L'Office de la construction publique de Montréal a décidé d'y aller avec une deuxième consultation. Vous vous demandez une deuxième consultation concernant l'octroi du terrain où doit se bâtir le nouveau stade de baseball à Montréal. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec notre ami Frédéric Deck. Moi, je t'inquiète du dossier parce que quand tu commences à ouvrir la porte au consulite, ben normalement, il y a des bonnes chances que le projet déraille. On en parle avec Frédéric Deck. Salut, Fred! Oui, bonjour, Danny. Fred, es-tu d'accord avec moi? Quand tu commences à ouvrir la porte au consulite, tu vas donner des outils aux groupes sociaux, puis là, ça va être l'histoire des... parce que là, j'ai entendu dire déjà qu'il y avait des... on voulait faire plus de logements sociaux, et ça, j'ai rien contre ça, en fait. Mais avant de créer, avant de partager la richesse, il faut que tu la crées. Puis c'est pas avec des logements sociaux que tu vas créer de la richesse. Donne ton opinion personnelle. Il y a deux choses, là. D'abord, tu as raison. Si on soumet un projet comme celui-là à la consultation publique, les gens, là, si tu veux pas construire des hôpitaux ou des logements sociaux ou des écoles, ils sont contre tout. Ils sont contre l'hôtel Casino du Cirque du Soleil. Ils auraient été contre une salle de spectacle pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Ils sont évidemment contre un stade pour une équipe professionnelle. Même chose qu'ils auraient été contre un aréna pour le Canadien. Alors, c'est sûr qu'en consultation publique, des projets comme ceux-là, ça passe pas. C'est quand même... je comprends ton inquiétude, mais hier, il y a une partie de la nouvelle qui est intéressante. L'Office de consultation publique, ce qu'elle a dit, en gros, aux gens du groupe de Montréal, Stephen Bronfman en tête, c'est « Écoutez, on peut pas se prononcer parce que vous nous avez rien présenté. » Et là-dessus, ils ont pas tort. Ouais. Ce que Stephen Bronfman a présenté, c'est une idée... sa vision pour le développement du quartier. Mais il n'a pas présenté, surtout pas de plan ou de maquette de son projet de stade ou de quartier, même si on veut étendre ça au 1 point quelques millions de pieds carrés que mon groupe se propose d'acheter avec le développeur immobilier de Vimco. Puis il n'a pas présenté non plus d'études sur l'impact financier, économique, voir l'empreinte environnementale d'un tel projet. Il n'a pas présenté ses plans, comment le stade va être relié aux différents réseaux de transport en commun. Alors, sur ce point-là, on ne peut pas donner tort à l'Office de consultation publique. Et puis, d'un autre côté, moi, où je vois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que l'Office de consultation publique n'a pas dit « Il n'y a aucune chance qu'on construise un stade ici, on n'en veut pas. » Ils ont dit « On aurait besoin d'une deuxième consultation sur un projet concret et précis que vous nous présenterez bientôt. » Et c'est ça que la mairesse Valérie Plante a dit aussi au groupe de Montréal en réaction à ce rapport hier après-midi. Elle a dit « Écoutez, j'espère que le groupe de Montréal va prendre ce rapport-là et l'étudier attentivement parce que la marche à suivre pour présenter un projet gagnant qui est inscrit en toutes lettres. Okay. » Alors, dans ce sens-là, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, ce qu'on a reçu hier. Mais, je pense que tu as parlé au clan Bronfman, hein? Non, hier, le clan Bronfman s'est limité à une réaction par communiqué, là, deux lignes, disant que, il salue le travail de l'Office de consultation et qu'ils vont étudier comme il faut là, ce que ce rapport-là a trouvé. Mais non, on n'a pas réagi de vive voix hier. OK. Tu penses que ça va retarder de beaucoup le projet? Ben, le projet présentement, là, c'est pas du côté de Montréal que ça retarde. Ouais. Le projet retarde du côté de Tampa Bay, de Saint-Pétersbourg, où au bureau du maire de Saint-Pétersbourg, on refuse carrément d'envisager la possibilité que les Rays disputent une partie de leur saison locale à l'extérieur du Tropicana Field avant la saison 2022. Okay. Par contre, l'autre point, Bronfman l'a dit en octobre dernier, quand il s'est présenté devant l'Office de consultation publique, les terrains, son groupe et de Vimco, ils vont les acheter, peu importe. S'il n'y a pas de projet de stade, ils vont développer du commercial, du résidentiel, habitation loyer modique, des projets de parc, des projets communautaires. Ils ont dit, on va le développer pareil, le quartier. C'est intéressant pour des gens d'affaires. Ce sont les derniers terrains qui restent à proximité du centre-ville de Montréal à développer, là. Sur toute l'île, là, ce sont les derniers. Alors, il n'y a personne qui va perdre de l'argent dans ce projet-là. Là. N'importe quel promoteur qui se porte acquéreur de ces terrains-là va faire de l'argent avec ça. Mm. Mais je reviens à ta prémisse de base, là. C'est pour bâtir des HLM et des logements sociaux, là, à un moment donné, il n'y a personne qui va payer 150, 200 millions pour ces terrains-là puis tout transformer ça en logements sociaux. Non, c'est non. Impossible. Non, non. Non, c'est sûr. Mais ça l'appartient à... mais ça l'appartient quand même à... Ça appartient pas à la Ville de Montréal. Ça appartient à qui, ce terrain-là? Ces terrains-là appartiennent à la Société immobilière du Canada, qui est une société de la couronne qui détient encore plusieurs terrains partout au pays. Et sauf que ces terrains-là sont, comment je dirais, sans être à vendre. Du côté de la Société immobilière du Canada, on a les oreilles grandes ouvertes si on a des propositions d'achat. Okay. Parce que pour le gouvernement fédéral, ces terrains-là, c'est un peu de l'argent qui dort dans le sens où, présentement, ils ne rapportent rien, mais ils prennent énormément de valeur. C'est la même chose qui se passe, là. Je sais que c'est un dossier complètement différent, mais à Ottawa, le projet d'aréna pour les sénateurs qui n'a pas vu le jour, là, c'était des terrains qui appartenaient à la Société immobilière du Canada aussi qui étaient convoités. Alors, le gouvernement fédéral détient plusieurs terrains comme ça dans toutes les provinces et territoires et qui attendent d'être développés. Et ça, c'est dans ce sens-là que c'est de l'argent qui dort un peu pour le gouvernement fédéral. Est-ce que, là, je vais faire un peu de politique, hein, parce que je sais que t'es pas un grand connaisseur de la politique, mais moi, j'adore ça. Stephen Brofman, c'est le bailleur de fonds de Justin Trudeau. Est-ce que ça, oui. Ça peut aider, ça? Ça peut pas nuire. Je sais pas si ça peut aider dans le contexte de la politique en 2020 avec l'inflation et un peu les watchdogs, là, j'ai pas le mot en français, mais les organismes de surveillance, là, on peut pas. Ces terrains-là sont pas vendus pour $1 à Stephen Brunson. Non. Je pense au prix du marché, sans qu'il y ait peut-être d'inflation, là, tu sais, sans qu'il y ait d'enflure au niveau du prix. Mais c'est certain, ou peut-être, et là, j'extrapole, là, peut-être que ça pourrait être la contribution du gouvernement fédéral à un projet de, ben ouais. de stade. Si on donne 150 millions en valeur, c'est pas une grosse subvention dans un projet qui va coûter plusieurs milliards de dollars. On parle pour développer tout le bassin Bonaventure. Ça comprend les terrains convoités par Brunson et les autres. Là, on parle d'un projet global de 6 à 7 milliards de dollars au moment où on se parle aujourd'hui. OK. Eh bien, fait que moi, Fred, on dira ce qu'on voudra, je suis inquiet. Je suis quand même inquiet parce que j'ai peur que parce que quand tu commences à, puis je reviens toujours à la même affaire, quand tu commences à ouvrir la porte au consulat, c'est là que ça peut dérailler. Oui, ça je comprends, sauf qu'à un moment donné, faut pas oublier que le dernier mot là-dedans, c'est la Ville de Montréal qui va l'avoir. Alors quand les terrains seront vendus, la Ville de Montréal peut se prévaloir de son droit de préemption, c'est-à-dire dire non, moi je veux pas que ce promoteur-là l'achète en raison de son plan de développement qu'il a présenté. Okay. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui laisse croire que la mairesse Plante est contre le plan de développement de Stephen Brunson, mais ce qu'elle a dit hier de façon très précise, ça nous prend un plan concret parce que là, on jase, mais on jase de quoi? Alors ça, c'est certain qu'à un moment donné, quand Brunson et de Vimco vont être prêts à mettre la main dans leur poche pour acheter ces terrains-là, là, ça va prendre un plan, possiblement une maquette. Je sais bien qu'entre la maquette et le projet final, ça peut changer, mais je veux dire, si tu mets des tours de 12 étages et que tu arrives avec un projet avec des tours de 60 étages, tu sais, ça passe plus. Alors, c'est certain que quand ils vont être rendus à acheter les terrains, il va devoir y avoir un plan très concret de présenter. Et je pense que pour l'instant, Brunson, de son côté, en raison du projet qui est un peu bloqué à Saint-Pétersbourg, n'est pas prêt à aller de l'avant avec son projet à lui. Si De Vimco achète des terrains tout seul, lui, il est prêt. Lui, il va faire des condos, puis des immeubles commerciaux, puis des développements mixtes. C'est ça son gagne-pain. Ils sont prêts à développer un quartier immédiatement. Mais dans le cadre de ce partenariat avec le groupe de Montréal, lui aussi pas attendre la suite des développements dans le sud d'Abdolie. Ouais. Fred, toujours intéressant de te jaser. J'imagine que tu vas essayer de rentrer en contact avec Stephen Brofman pour avoir ses commentaires. Puis on va pouvoir lire ça sur les différentes plateformes, que ce soit le journal Métro, RDS ou peu importe. Là. Oui, les lignes sont déjà à l'eau. On attend que ça monte. OK. Notre ami Frédéric Daigle de la presse canadienne.